Je voulais finir solo, mais t'es rentré dans ma tête. Hein. Mais t'es rentré dans ma tête. Mais moi, c'est que moula dans la tête. Hein. J'étais pas là, monsieur l'inspecteur. Je suis dans l'escalier, en mode falier. Elle traîne sous mon palier. Laisse tomber, chétane vernier. Caractère impoli. Hein. Elle dit bébé, je suis en chaleur. Donc elle pense que je vais lâcher tout. Mais pour que chelou, chelou. Je suis dans les bails, breson, ils dans ce sagou. J'ai la tête dans le bon char. Viens pas me déranger. Je vais plus tomber dans ça. Tu représentes un danger. Je voulais venir solo, mais t'es rentré dans ma tête. Hein. Mais t'es rentré dans ma tête. Mais moi, c'est que moula dans la tête. Hein. J'étais pas là, monsieur l'inspecteur. Aminata, Aminata, ouais, je pensais qu'à moi. Pourtant, t'es ma moitié. C'est qu'à moi. Toute ma conso dans une cristalline. Jamais très loin comme un calibre. Elle fait genre mais elle est plutôt câline. Aminata c'est pour la vie. Ah tu peux pas nier. Corps vide comme un palier. La balle est dans le barillet. Là tu paniques. La grille vient d'Italie. Avion Paris Bali. Mais ici ça tire comme le carré de Cali. J'ai la tête dans le bon char. Viens pas me déranger. Je vais plus tomber dans ça. Tu représentes un danger. Je voulais venir solo, mais t'es rentré dans ma tête. Hein. Mais t'es rentré dans ma tête. Mais moi, j'ai que moula dans la tête. Hein. J'étais pas là, monsieur l'inspecteur. Aminata, Aminata, ouais, je pensais qu'à moi. Pourtant, t'es ma moitié. Aminata, ouais, je pensais qu'à moi. J'attends ton message, le charbon, je laisse ça. Et pour toi, je laisse ça. Faut s'en aller, j't'ai dans la cabeça. Avec toi, j'suis à l'aise. Ne fais pas tes valises, j'ai de l'argent plein la mallette. J'voulais venir solo, mais t'es rentré dans ma tête. Hein. Mais t'es rentré dans ma tête. Mais moi, j'ai que moula dans la tête. Hein. J'étais pas là, monsieur l'inspecteur.